dans la nuit. Qu'est-ce que la nuit pour la mort? Qu'est-ce que la mort pour un homme libre? Une âme libre en dehors de son corps. Je me demande où ça nous mène. Quand j'aime, j'y mets toute mon âme. J'ai vu le grand feu s'allumer. J'ai la flamme, j'y mets toute mon âme. Jolie courbe, elle était tellement belle nue. Amour bestial durant la pleine lune. On l'a fait dans tout l'appart en renversant les standards et les tonnes de papier que j'ai à peine lues. Je cède au plaisir mais je ne suis pas plus heureux qu'au début. Non, je suis pas bien dans ma tête. Tel un amnésique que parfois je ne me reconnais plus. On est plein dans ma tête. Pourquoi me laisser à vie comme un mouton? Je me dis que je ne veux pas d'un avenir lambda. Quand je donne à mes amis, je n'attends rien en retour. Ça vient du cœur, y'a que le respect que l'on me doit. Pas brasse à la con, pas moyen d'avoir la paix. L'inconvénient d'avoir un label. Ce soir, je ne pourrai pas te voir, ma belle. Toujours au téléphone, le devoir m'appelle. Je dois me démener, mais le manque de monnaie me limite. Sous la menace d'ennemis qui veulent m'éliminer. Mais j'ai tellement de mal à m'en laver les mains. Je me demande où mènera le chemin qui démêlera. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. J'y mets toute mon âme, mon âme, mon âme. J'y mets toute mon âme, mon âme, mon âme. J'y mets toute mon âme, j'y mets toute mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. J'y mets toute mon âme, mon âme, mon âme. J'y mets toute mon âme, mon âme, mon âme. J'y mets toute mon âme, j'y mets toute mon âme. C'est toujours très sale et tous les petits rêves de faire mieux. Faut prier car je suis pressé et mes coups font mal. J'ai toujours fait ça avec un petit air de sérieux. Et quand j'y vais, j'y mets toute mon âme. On m'a dit pour gagner des trophées, refrais fait d'abord de la pop. Je roule souvent dans la foule, pourtant je suis agoraphobe. Chanteuse, actrice, mannequin. Pour serrer toutes ces meufs, je leur dis que j'adore la mode. C'est moi qui gère, et c'est toi qui me sers. C'est moi qui fais le plus de bip, donc c'est moi qui paye. On fait des signes de gang devant le photocall. C'est le protocole, style de gangster sur cette île de France. J'y mets toute mon âme. Mon âme, mon âme, j'y mets toute mon âme, mon âme, mon âme, j'y mets toute mon âme, mon âme, mon âme, j'y mets toute mon âme, j'y mets toute mon âme, j'y mets toute mon âme, mon âme. On est généreux sur disque ou se livre sur scène. On se donne ça, c'est notre job. J'ai toute mon amour, écoute mon album. J'y mets toute mon âme. Qui démêlera.